franceinter.fr. Tout de suite, c'est votre rendez-vous à votre écoute coûte que coûte. Salut à tous. Merci. À votre écoute coûte que coûte. À votre écoute coûte que coûte. Anima Sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe et Margaret de Beaulieu. Sur le pont d'Avignon, on y danse. Sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. On y danse avec Jérôme qui nous appelle de... d'Avignon. Et oui, en 1309, sous le pape Clément V, le temps du concile de Vienne, Avignon devint résidence pontificale. Au total, ce furent pas moins de 9 papes, Margaret, qui se succédèrent dans le palais des papes et enrichirent celui-ci au fil de leur pontificat. Et la locution en Avignon, encore employée de nos jours, nous vient de ce statut d'état pontifical. Enfin, ça c'était il y a... Enfin, maintenant on doit dire à Avignon, c'est juste une ville. Et non, on doit toujours dire « aller en Avignon ». Non, je vous assure. Et si on veut parler un français correct, on dit « en Avignon ». Voilà, alors qu'est-ce qui vous amène, Jérôme ? Alors voilà, j'aurais besoin d'un petit conseil, mais c'est plutôt pour Margaret, je pense. Je vous écoute, Jérôme. Merci. Donc voilà, j'ai rencontré une jeune femme sur Internet, par l'intermédiaire d'un site. Pourquoi pas ? Et comme je suis non-voyant... Oh là là. Oui, alors, attendez, c'est peut-être plutôt pour Philippe, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme ? Non. Par rapport à quoi ? Par rapport au fait que je sois non-voyant ? Non, mais ça date pas d'hier. Ça fait 35 ans. D'accord. Alors, est-ce que quand on est non-voyant, à 35 ans, on non, se dit... Comment ? J'ai 40 ans. 40 ans, j'ai 40 ans. Vous voulez dire que vous n'êtes pas aveugle, enfin, pardon, non-voyant de naissance, c'est ça ? Non, j'ai contracté une maladie à l'âge de 5 ans qui m'a fait perdre la vue. Voilà. Donc, j'ai rencontré cette jeune femme sur un site. Pour moi, c'est ce qu'il y a de pire, parce que aveugle, enfin, non-voyant, pardon, de naissance, encore bon, bah, ça va, on n'a connu que ça, bon. Mais là... C'est horrible, parce que vous savez ce que vous perdez. C'est comme si on vous avait offert un jouet magnifique et que, sans raison, un jour, hop, on vous le reprend. Non mais ça va, je vous assure, ça va très bien. Il y a très longtemps, je suis très heureux, j'ai un métier que j'aime. Vous êtes dans la musique ? Non, je suis avocat. D'accord. Voilà. Donc, je dois rencontrer cette jeune femme dans 2 jours. Et Margaret, je voulais vous demander un conseil. Et ce qui me bouleverse le plus, c'est cette injustice totale. On doit se dire, mais pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Oui, sans compter la peine pour les parents qui voient leur vie bouleversée, et puis, qui doivent totalement repenser leur famille, hein, parce que c'est très traumatisant aussi pour les frères et sœurs. Ouais, écoutez, ça s'est plutôt très bien passé de ce côté-là. Mais en fait, je ne vous appelle pas pour ça. Hein. Je me demandais si... Pour cette jeune femme que je vais rencontrer... Mais cette jeune femme est non-voyante ? Non. À moins qu'elle décide de le devenir après avoir vu ma tête. Allô ? Alors, excusez-moi, Jérôme, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment de très bon goût de plaisanter sur ce genre de choses sur France Inter à 1 heure de grande écoute. On ne peut pas rire de tout, et surtout des choses tristes. Non mais attendez, je peux quand même rire de mon handicap, non ? Oui, c'est juste que votre blague, on ne l'avait pas vue venir. Hein ? Ouais. Votre blague, on n'avait pas vue venir. D'accord, ouais. Pas vue venir, ouais, d'accord. Voilà. Celle-là, ça vous fait pas rire, par contre. Donc, en fait, c'est que quand vous faites des blagues sur les aveugles que ça vous fait rire. Non, c'est juste que je trouve pas ça drôle. D'accord, c'est gentil. Bon, donc, je voulais demander à Margaret... Parce qu'en fait, ça m'est déjà arrivé. Comment faire pour être sûr que cette nouvelle compagne potentielle se voit pas, comme une super infirmière, ou en tout cas qu'elle soit pas plus triste que de ma situation que je le suis de moi. Vous voyez, J'ai pas du tout envie de compassion, en fait. Hein. Juste qu'on m'aime normalement. Bah oui, mais vous pouvez pas lui demander de rester insensible à votre situation. Ou alors, c'est qu'elle a un cœur de pierre et qu'elle est pas faite pour vous. Voilà, quoi. Écoutez, vous verrez bien quand vous la verrez. Bon, écoutez, je voulais juste demander à Margaret. D'accord, ça vous fait pas rien non plus. Hein. Comment faire pour que ça parte pas sur de mauvaises bases, pour qu'elle m'aime pour les bonnes raisons. D'accord, en fait, vous vous dites, puisqu'elle dit qu'elle est si mignonne que ça, comment ça se fait qu'elle préfère un non-voyant ? Attendez, j'ai peur de comprendre, là. Elle est chercheure au CNRS. Ah ouais. Bah, c'est une fille très drôle, elle est tendre, intelligente. Et si ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'elle doit être moche, ben, franchement, j'envie pas du tout les voyants. Hein. Ils ne sont pas foutus de considérer quelqu'un pour autre chose que pour son physique. Oui, non mais vous savez quoi, Jérôme ? Si elle est si gentille, comme vous dites, eh ben, je suis sûr qu'elle est très jolie. Non mais je m'en fous qu'elle soit jolie ou pas, c'est pas ce que je vous dis. Ce qui compte, c'est ce qui va se passer quand je vais l'embrasser pour la première fois. C'est oui, c'est ça qui est beau, parce que tout le monde a le droit à l'amour, et chaque pot à tabac a son couvercle. Et même pour des gens comme vous, qui ont à gérer une telle injustice. Voilà. Mais vous pouvez pas arrêter de me réduire deux secondes seulement à mon handicap, là ? C'est fatigant, franchement, là. Je suis pas que un aveugle, là. Vous comprenez ça ? Oui, et alors, écoutez, monsieur, je suis désolée d'avoir été touchée par votre situation, désolée d'avoir été triste pour vous, vous qui n'avez plus accès à la beauté, et désolée de vous avoir donné la compassion que vous ne devez peut-être pas avoir tous les jours. Eh ben, heureusement. Voilà, bon, ben voilà. Ouais. Eh ben, voilà, eh ben, ça m'apprendra à focaliser sur la souffrance des gens avant de repérer leurs défauts, c'est tout. Oui, mais tu sais, Marga, l'ingratitude ne décourage pas la bienfaisance, mais elle sert de prétexte à l'égoïsme, nous dit le duc de Lévis. C'est curieux d'ailleurs comme association, Duc de Lévis. Pourquoi pas le vicomte de Ben Guigui ? Heureusement que tu me fais rire. Oh, tu me fais rire. Le comte de Bénichou. Cette émission a été mise en onde par le clairvoyant, si j'ose encore faire des plaisanteries, sur le handicap. Arrête. Yann Chouquet. Merci à vous tous. Merci Margaret. Merci Philippe. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr. Dans un instant, carnet de campagne avec Philippe Bertrand.